que tout au fond de moi je t'aime. Et tu le sais, même si je le montre pas, maman. Pense à tous ces beaux moments en passé. Ensemble dans la cité. C'est pour ma mère, moi que j'ai fait du RAP. C'est pour ma mère que j'ai pas appris à détester. C'est grâce à ma mère que je me sens en sûreté. C'est pour ma mère et ce que j'ai pas pu citer. C'est pour ma mère que je ferai tout pour que tu sois fier de moi. C'est pour elle que je me battrai jusqu'à la fin du temps. C'est pour ma mère que je ferai tout pour que tu sois fier de moi. C'est pour elle que je me battrai jusqu'à la fin du temps. T'es mon rayon de soleil, personne peut me priver de ton amour. Mais m'éloigner de toi, le son de ta belle voix résonne toujours dans mes oreilles. Oui, maman, si à toi que je dédie ces jolis mots, je t'ai jamais dit à quel point je t'aime. Mais j'en profite ici pour te dire avec ce flow. Excuse-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Excuse-moi pour tous ces allers-retours au collège. Jamais je peux te rendre les cartes de l'amour que tu m'as donné. Oui, ton fils a pris de l'âge, mais dans tes yeux, je resterai toujours sceptique. T'as élevé et appris la fierté, malgré la misère et les galères, tu nous as tout donné. Maman, sache que mes frères et moi, on t'aime énormément. C'est pour ma mère que je fais tout pour que tu sois fier de moi. C'est pour elle que je me battrai jusqu'à la fin du temps. C'est pour ma mère que je fais tout pour que tu sois fier de moi. C'est pour elle que je me battrai jusqu'à la fin du temps. C'est pour ma mère que je fais tout pour que tu sois fier de moi. C'est pour elle que je me battrai jusqu'à la fin du temps. C'est pour ma mère que je fais tout pour que tu sois fier de moi. C'est pour elle que je me battrai jusqu'à la fin. De la part du Samantha Street à toutes nos marées, on vous aime.